professionnels, commandez maintenant sur bernard.fr. Expert en hygiène, entretien et sécurité en entreprise, Bernard contribue à rendre vos espaces de travail plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement pour le bien-être de chacun. Ayez le réflexe bernard.fr. Simple et pratique, Bernard, c'est 20 000 produits d'hygiène, d'entretien et de sécurité livrés rapidement dans vos locaux. Bernard.fr, tout pour faire briller vos espaces de travail. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment la beauté du monde s'exprime-t-elle ? Un jour, Hegel, je parle de Georges Wilhelm Friedrich Hegel, le philosophe, a doctement posé cette sentence. Nous croyons pouvoir affirmer que le beau esthétique est supérieur au beau naturel, parce qu'il est un produit de l'esprit. L'esprit étant supérieur à la nature, sa supériorité se communique également à ses produits et, par conséquent, à l'art. Fin de citation. En clair comme de l'eau de roche, il faudrait considérer que la beauté, la vraie beauté, présuppose toujours une médiation par l'esprit. Elle serait le résultat d'une production dont nous serions les agents. La beauté véritable ne serait pas une donnée du monde, mais chaque fois le fruit d'un travail d'artiste. Et les artistes, ce serait nous, par l'entremise de notre esprit. Mais est-ce bien ainsi que les choses se passent ? Le merveilleux ne peut-il pas aussi se montrer tout nu, se révéler dans sa version brute ? Ne peut-il pas jaillir directement du monde pour nous percuter littéralement, à la condition bien sûr que nous nous tenions aux aguets ? C'est pour discuter de cette question que j'ai adressé une invitation à Sylvain Tesson, qui, bien qu'il soit presque toujours par Mons et par Vaux, m'a fait le plaisir de l'accepter et je l'en remercie. Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour Étienne Klein. J'ai une première question. Est-ce que vous avez lu Hegel ? Non. J'ai lu une recension d'un voyage qu'il a fait dans les Alpes, au cours de laquelle, voyant le Mont Blanc, il a prononcé cette auguste phrase. On n'en attendait pas moins de lui. Il a dit « Il est là ». C'est fort. Ce qui était fort et ce qui était vrai. Non, parce qu'il a écrit des choses qui, à mon avis, sont en résonance avec votre propos dans le livre que vous venez de publier, qui s'intitule « Avec les faits », qui est paru aux éditions Les Équateurs. Il a écrit cette phrase, et je voulais votre commentaire. « Une chaussette reprisée vaut mieux qu'une chaussette déchirée, contrairement à la conscience de soi. » Je répète, parce que je vois que vous réfléchissez. Une chaussette reprisée vaut mieux qu'une chaussette déchirée, contrairement à la conscience de soi. C'est-à-dire qu'il faudrait mieux que la conscience de soi soit déchirée que reprisée. Ben, c'est ce que je comprends, oui. Vous avez une idée, vous, le temps que j'essaye de... Non, pas du tout. Je vais vous citer une autre phrase de Hegel qui est plus en rapport avec le sujet que vous traitez dans... avec les faits qui concernent en partie le merveilleux. Il écrit « Le tableau coloré du monde est devant moi et je me tiens en face de lui et par ce comportement, je dépasse cette opposition. Je fais mien ce contenu. Le moi est chez lui dans le monde quand il le connaît, encore mieux quand il l'a compris. » Fin de citation. Donc la question c'est, est-ce que votre moi est dans le monde ? Oui, alors ça je comprends mieux que la distinction entre la conscience déchirée ou reprisée, bien que je sois encore en train de chercher ce que on pourrait comprendre. Mais l'absorption de soi-même, c'est-à-dire de son regard dans l'objet regardé, ça m'intéresse beaucoup. C'est ça que j'ai essayé de tourner autour de la compréhension de cette idée que nous ne sommes pas uniquement des sujets regardant un objet, mais il se pourrait que, appartenant à cet objet, nous puissions en avoir une compréhension supérieure à la simple compréhension du spectateur qui regarde un spectacle. En plus, vous avez un moi qui est sans doute un peu quantique, un peu délocalisé, un moi qui s'éparpille dans le monde. Vous bougez beaucoup. Oui, alors ça, j'ai un côté, alors je ne sais pas comment on appelle ça en physique, une particule qui bouge beaucoup de manière un peu trublionesque. On appelle ça l'étalement du paquet d'ondes. Ouais, l'étalement, c'est ça. Eh bien, j'espère ne pas trop m'étaler, mais je circule. Je suis circulatoire. parce que j'ai l'impression que ma vérité, pour parler plus simplement, mon plaisir absolu est dans le mouvement. Et j'ai cette impression que beaucoup de voyageurs partagent d'ailleurs avec moi, que tout se résout à partir du moment où on a fait un premier pas. Alors d'habitude, on vous entend parler de montagne, d'alpinisme, et là, vous racontez un voyage en voilier qui a duré plusieurs semaines, sur la côte atlantique, disons, jusqu'au Pays de Galles et au-delà même. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette galère, enfin dans ce voilier, avec vos deux compagnons? D'abord, je trouve que le voyage en bateau résout quelque chose qui confine presque à la pathologie chez moi, c'est-à-dire une volonté toujours d'aller voir ailleurs si j'y suis. Au moins sur un bateau, on est enfermé. On peut pas. C'est une liberté contrainte. Celui-là faisait 15 mètres de long. Mes deux compagnons et moi-même étions les seuls membres d'équipage, si je puis dire. Donc, on était contraints de se trouver bien là où on se trouvait. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comme je cherchais à essayer de comprendre ce qu'on pouvait entendre sous le vocable, sous cette expression de merveilleux, c'est ça qui m'a intéressé. Hein. J'ai essayé de chercher la définition, le contour de la définition de cet adjectif. Eh bien, je me disais que c'était une bonne manière de faire une méditation, d'accomplir une méditation en mouvement, que d'aller par voie de mer le long du littoral des mers celtiques. Ça vous a pris plusieurs semaines. Et qu'est-ce qui vous a fait penser que le merveilleux se donnerait plus facilement à voir durant ce voyage que, par exemple, pendant la traversée des Alpes à pied? Parce que, écosystémiquement, géographiquement, le découpage, l'indentation, la crénelure de la côte, appelons-la la côte celtique pour aller vite, c'est-à-dire cet arc qui relie la Galice espagnole jusqu'au Shetland écossaise, en passant par tous les promontoires qu'on connaît, la Bretagne, la Cornouaille, le Pays de Galles, l'île de Man, l'Irlande et l'Écosse. Cet arc, que moi j'appelle l'arc celtique, dont d'ailleurs l'unité n'est pas très bien mesurée par les historiens. On sait qu'il y a une vague unité linguistique, philologique, et puis une unité paysagère. Eh bien moi je pense que le long de cet arc, il y a une beauté très violente qui est due au choc titanesque, enfin à la rencontre quasiment brutale, violente des éléments, enfin tout ce que je dis là est très banal puisque ça n'est jamais qu'une ligne littorale, donc par définition c'est une frontière où se mène le combat de la fixité contre le mouvement permanent de l'océan, et je trouve que il y a là une beauté un peu particulière, un peu plus magique que les grands espaces fixes d'apparence, hein. Encore une fois, tout ça ce sont des divagations purement esthétiques. C'est mon œil qui parle. Mon œil n'écoute pas, mais mon œil parle. Eh bien, je trouve qu'il y a là, sur cette dentelle de roche battue par les flots, il y a là une émanation de magie esthétique plus importante que dans les grandes steppes de Russie que j'ai pu traverser, ou dans l'arc alpin, où en général l'alpiniste recherche une certaine fixité. Alors, Sylvain Tesson, il y a des phrases dans votre livre qui font écho à ce que dit Hegel et que vous n'avez pas lu pourtant, mais ça entre en résonance. Par exemple, vous faites une distinction que j'aimerais que vous commentiez entre le merveilleux et la grâce. Je vous cite. Le merveilleux émane des choses, la grâce les surplombe. Le merveilleux est contenu dans le monde car il en est l'essence. La grâce s'en distingue car elle en est la source. Le merveilleux rayonne, la grâce ruisselle. L'un va de la chose à l'homme, l'autre du créateur à la chose. Le merveilleux irradie du réel et se diffuse au ciel. La grâce descend des nuées et inonde la terre. Le merveilleux révèle par le regard une force contenue. La grâce convoque dans le cœur une présence extérieure. Le merveilleux part du réel pour y revenir. La grâce descend de l'abstrait pour expliquer le monde. Ça me semble une question qui devrait nous traverser, nous saisir devant tout spectacle, à savoir, est-ce que ce que je vois, que ce soit la source d'une fontaine sur la presqu'île de Crozon ou un promontoire dans les îles d'Aran irlandaises. Est-ce que le spectacle que je vois procède de l'invention par un créateur loin de moi-même, invisible et pourtant présent, et dont le spectacle que je reçois serait la créature, enfin l'objet, la réalisation, et donc dois-je me dire qu'il me fait la grâce, à moi, pauvre petit asticot qui rampe sur la planète, qu'il me fait la grâce de m'offrir en spectacle, en pâture, ce spectacle sublime, ou bien est-ce que je me contente d'absorber de manière ébobie, enfin émerveillée, et même vénérante, de recevoir cette beauté et de dire que j'essaie, je me contente, mais quel exercice, d'essayer de recevoir toutes l'irradiation, quoi, de beauté. Alors, dans ce cas-là, j'ai l'impression de rendre plutôt des grâces au merveilleux, plutôt que d'essayer de savoir qui est à l'œuvre, derrière le spectacle. Y a-t-il un arrière-monde dans lequel un créateur m'aurait fait la grâce de me donner ce spectacle? Voilà ce que j'essaye de dire dans ces quelques phrases. Et Sylvain Tesson, il y a une question qui me vient à l'esprit qui ressemble à une question, à un sujet de bac. Est-ce que vous faites une différence entre le beau et le sublime? Oui, bah je fais la différence burkienne, la différence que le sublime écrase, terrifie, transperce, fait trembler, alors que le beau, par son charme, sa minutie, son harmonie, sa relative douceur, m'enchante et me transporte. Oui, je fais la différence, bien sûr, entre une cascade et les chutes du Niagara, ou alors entre une chapelle bretonne posée sur une lande et une énorme cathédrale dans une volée de cloches qui va m'abasourdir. Est-ce que ce périple que vous avez mené pendant ces semaines était décidé à l'avance? Ou est-ce que vous êtes allé là où le vent vous menait? Je vous pose la question parce que, quelque part dans le livre, vous écrivez « La navigation à voile, c'est un moyen d'aller où l'on veut, à condition de le décider une fois arrivé. » Oui, parce que j'avais l'impression parfois que mon capitaine, Benoît Le Théron, qui a mené cette embarcation des Asturies espagnoles jusqu'au Shetland et retour à Saint-Malo, parfois semblait très sûr de son fait, c'est-à-dire de son cap, alors qu'en réalité, on essayait de faire ce qu'on pouvait entre les variations du vent et les courants marins. Mais oui, je savais où je voulais aller, puisque j'avais vraiment décidé, moi, de relier tous ces promontoires celtique, en me basant sur les cartes, d'abord la carte de géographie qui découpe ce littoral tellement indenté qui va du Cap Finistère jusqu'au Shetland, et puis parce que je savais que je voulais m'arrêter à certains endroits pour aller moi-même passer en revue à pied des endroits dont je pensais qu'ils pouvaient être des berceaux du merveilleux. Est-ce que, puisque vous avez l'expérience des deux, est-ce que vous voyez une différence radicale entre l'alpinisme et la navigation? Je reprends. Est-ce que, puisque vous avez une expérience des deux, est-ce que vous voyez une différence entre l'alpinisme et la navigation? Vous écrivez quelque part, l'alpinisme consiste à sauver sa peau, la navigation a réparé son bateau. Mais il n'y a, oui, pas que ça. Non, je sais bien, mais il y a tout un discours assez rapide, enfin qu'on entend beaucoup, visant à dire que le marin et l'alpiniste partagent beaucoup de choses. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, je n'ai pas très bien compris d'où vient cette espèce de tentative que beaucoup d'alpinistes, beaucoup de marins font d'établir un cousinage entre leurs deux activités. Moi, je trouve que l'alpiniste, Il est vraiment en contact très rugueux, très âpre, très sensoriel, très organique avec l'élément. Il est accroché à sa paroi. Alors que le marin, il vit dans un interface. Il est le pilote d'un outil. Il est il est sommé de régir un objet qui le sépare de son élément. Parce que le marin, quand il est vraiment dans l'élément, c'est-à-dire dans la mer, c'est qu'il y a eu un problème. Ça s'appelle un naufrage. Tandis que l'alpiniste, il est collé à la paroi. Alors ça, je trouve qu'en cela, il y a une différence majeure. L'alpiniste a une conversation avec le monde, le marin, il a une conversation avec son bateau. C'est d'abord un pilote. Ben, disons que le pilote, c'est un marin avec bateau intégré. Oui, on peut dire ça. Oui, il est sa propre embarcation, c'est vrai. Alors, même quand vous faites du bateau, vous ne pouvez pas vous empêcher de grimper, puisque à la fin de ce périple, Daniel Dulac, qui est votre guide, vous a rejoint et vous avez escaladé. Est-ce que c'est différent d'escalader une montagne comme celle qu'on trouve dans le massif du Mont-Blanc ou bien celle qui est au bord de mer ? Oui, surtout que celle qu'on a grimpée, en l'occurrence au sud de l'archipel des Orcades, s'appelait le Old Man of Hoy. C'est ce que les Anglais appellent un stack. Nous autres Français avons une périphrase beaucoup plus laborieuse pour dire un stack. En français, c'est un pilier d'érosion, de recul de côte. C'est moins sexy que stack. Ouais, vous avez fait des études de géographie. Je m'intéresse à la géomorphologie. J'aime bien donner des noms aux formes du relief. Et quand une falaise recule, on ne sait pas pourquoi, parfois, il reste un pilier. Comme l'aiguille d'Étretat est le plus connu. Moi, je m'intéresse à cette forme-là de relief. Parce que je trouve qu'elle a une dimension allégorique dans notre champ humain, social. Quand il y a une masse, il y a toujours une contradiction. Quand il y a un système... Une sorte de pied de nez à la mer. Un peu, de doigt d'honneur même. De doigt d'honneur à la terre plus qu'à la mer. Parce que quand la côte recule et que le stack reste debout, il dit à la terre, non, moi je veux plus faire partie de ce système. Reculez, moi je reste. C'est assez beau, c'est de l'analogie de comptoir, mais moi, on fait ce qu'on peut, je vis sur un comptoir mental, moi. Alors, j'ai appelé Dulac, il m'a rejoint sur le bateau, au nord de l'Écosse, et on est allé grimper ce pilier, le Old Man of Hoy, parce que j'ouvre une parenthèse, mais les Anglais appellent ça des stacks, mais appellent ça aussi des Old Man, parce que c'est vraiment le vieillard qui s'en va, qui quitte le troupeau et qui va mourir tout seul vers le large. Alors on est allé grimper ce pilier, et oui, bien sûr, ça n'a strictement rien à voir avec une aiguille ou un pilastre, un pilier, un clocheton granitique du massif des Alpes, parce qu'il y a la mer, donc il y a ce qui bouge, et nous on est sur ce qui se dresse au milieu de ce qui se couche, on est sur le sommet de ce qui reste au milieu de ce qui recule, et on est sur ce qui demeure au milieu de ce qui passe. Alors vous avez la bougeotte, vous l'avez dit vous-même, et j'imagine qu'on vous pose souvent la question pourquoi. Mais sauf que la question pourquoi, vous la posez vous-même à plusieurs reprises. Et par exemple, vous écrivez pourquoi tous ces voyages depuis 3 décennies, pourquoi repartir, et en bateau cette fois, quand cesseraient ces toupies, pourquoi ces mouvements jamais conclus. Je trouvais une réponse. Pour rêver au retour une fois parti, au départ une fois rentré. Le rêve était notre légitimité, au moins une fois en route, l'homme n'a plus honte de son insatisfaction. Oui, je crois que l'insatisfaction... Il n'y a aucun endroit où ça va. Mais non, mais enfin, et je pourrais vous retourner la question, et vous, ça va. franchement, l'insatisfaction me semble un moteur à la fois très bénéfique, et pourquoi pas assez noble. Le rêve est notre légitimité, c'est une phrase d'un poète... minéralogiste, qui s'appelait Roger Caillois, que moi j'aime beaucoup, qui dans un recueil prononce cette phrase que je trouve très belle, parce que la légitimité qu'on cherche à son mouvement, elle est toujours très sérieuse. Enfin, les voyageurs vous expliqueront qu'ils partent parce qu'ils veulent percer le secret de tel domaine de connaissance, ou bien parce qu'ils veulent progresser dans leur compréhension du monde. Et moi, je trouve qu'il y a plus de sincérité, de noblesse et peut-être d'humilité à dire parce que je suis insatisfait de ma position sédentaire et donc je me mets en mouvement. Et j'essaie d'échapper à, je sais pas moi, à l'ennui, à moi-même, à la répétition des jours, à la morosité de ce qui est attendu. Enfin, je ne sais quoi. Mais bien sûr que je pense que l'insatisfaction est un moteur important. Vous pour citez le voyage et pour l'écrivain aussi. Ouais, vous citez un poète que je connais pas qui s'appelle Wordsworth, oui, qui dit le voyage est celui qui fuit. Non, pardon, le voyageur est celui qui fuit. Il fuit ce qu'il craint plus qu'il ne poursuit ce qu'il aime. Oui, c'est une formulation très brillante du principe d'insatisfaction. Je crois que on retrouve cette idée avouée, car c'est un aveu. Ne nous leurrons pas dans les essais de Montaigne. je me souviens plus de la phrase exacte, mais Montaigne sait pourquoi il s'en va, mais il ne sait pas ce qu'il cherche. Il ne sait pas ce qu'il cherche, peut-être ne le trouvera-t-il pas. Enfin, il s'enfuit, quoi. Je pense qu'il y a une forme, je reviens à cette idée d'une forme d'humilité à avouer que l'on part sans savoir pourquoi, mais parce que simplement on a l'impression que la route nous donnera des réponses. Alors, il y a une dizaine d'années, Sylvain Tesson, vous avez chuté de quelques mètres et cela vous a fracturé de part en part. Est-ce que ça a changé votre regard ? Alors sur votre vie, j'imagine que oui, mais sur le monde, sur votre façon de regarder le monde. Mais si ça a changé ma vie, ça a donc changé mon regard sur le monde. Enfin, une réponse est dans l'autre. Ça a changé complètement mon mode opératoire, puisque d'abord j'ai vieilli en quelques mètres. En chutant, je suis devenu beaucoup moins capable physiquement que je ne l'étais avant de tomber. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû revoir ma manière de voyager. Au lieu de m'esquinter sur les routes, j'ai dû un tout petit peu plus qu'avant accepter la douceur des choses. Et ça, je la connaissais pas, moi. J'aimais la fatigue. Comme beaucoup de montagnards d'ailleurs, j'aimais ce sentiment de m'esquinter sur la piste ou dans la paroi. Les sports d'épuisement, exactement. Le moment où vous avez l'impression que l'expérience que vous tirez du monde est d'autant plus intense, forte, mémoriale, parce que elle vous terrasse, elle vous épuise. Et il y a presque d'ailleurs une forme d'esthétisme hein, que connaissent bien les alpinistes. Cette espèce de clochardisation, alors qu'on peut appeler l'ascèse mystique, hein, si on est snob, mais qui est en fait un plaisir d'être complètement dépenaillé, légèrement ensanglanté et complètement épuisé. Il y a quelque chose qui est de... Enfin, c'est pas du masochisme, mais beaucoup aiment cette esthétique-là dans la montagne. Et moi, j'ai dû un tout petit peu revoir ce mode opératoire-là, parce que j'ai été diminué par mon accident et par les séquelles. Ça fait exactement 10 ans. Que je suis tombé. Alors, j'ai accepté davantage la douceur des choses, et puis surtout, je suis rentré dans un chapitre de ma vie qui était la reconquête de moi-même, la rémission, la réadaptation, la réparation, et où je vivais évidemment chaque jour octroyé comme la grâce d'une partie gagnante, enfin d'une partie gratuite, hein, comme au flipper, que j'avais... obtenu. Alors bien entendu, j'ai été beaucoup plus dans la vénération des... C'est très banal ce que je dis, hein. Toute personne qui a à un moment frôlé la mort, quand il revient à soi, il vit les nouvelles journées octroyées comme un cadeau des dieux, ou un cadeau du ciel, ou un cadeau du destin, ou un cadeau de la chance. Mais alors à ce moment-là, on ne laisse plus passer la vie avec indifférence. Mais est-ce que ça a changé également votre écriture ? Moi, j'ai l'impression que oui. Le fait que votre regard sur votre vie et sur le monde a été changé a une incidence évidente sur votre façon d'écrire. Je ne sais pas, parce que je suis le moins bien placé pour savoir, et puis c'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup, si ça a changé mon écriture. Ça a éminemment changé ma façon de regarder les choses, bien sûr. C'est-à-dire, d'apporter plus d'attention. C'est un peu ça que j'appelle... La fée, enfin le regard merveilleux, le regard de l'émerveillement, c'est simplement une attention accrue, aiguisée, portée sur l'émanation des choses. Mais dans un premier temps, vous avez eu du mal à vous reconnaître, d'ailleurs vous écrivez « il est difficile de vivre avec un autre, surtout quand c'est soi-même ». Donc vous n'avez pas été remplacé par quelqu'un d'autre à l'issue de cette chute, vous avez simplement changé. Et le sujet du verbe « changer », c'est ce qui ne change pas quand on dit qu'il a changé. Après coup, on a toujours affaire à Sylvain Tesson. Donc, quelle est votre invariance dans l'histoire ? Mais alors, justement, elle n'est pas physique parce que, enfin, il y a l'être qu'on porte en soi, et puis il y a ce qui en émane. Enfin, il y a l'apparence. Or, moi, mon apparence a changé parce que j'ai été atteint d'une fracture du crâne qui m'a amputé de la 7e paire, c'est-à-dire le nerf facial, et j'ai été défiguré par une grimace, ça s'appelle la parésie, la paralysie faciale. C'est un traumatisme Enfin, c'est une séquelle du traumatisme crânien, d'un des traumatismes crâniens sur les 4 ou 5 que j'ai eu. Et alors, on se réveille un matin et puis on voit un visage dissymétrique. Et ça a une grande incidence psychique. C'est pas très facile de voir tout à coup un autre visage. Je connaissais quelqu'un qui n'était plus là à mon réveil. Alors il faut réapprendre à vivre avec ça, un être disgracieux, d'autant qu'on est quand même pétris, nous autres, Européens, de la petite péninsule de l'ouest de l'Eurasie, on est pétris de cultures classiques, hellénistiques, qui fondent les principes esthétiques sur la symétrie. Et voilà que tout à coup, je ne l'étais plus du tout. En physique, on appelle ça une brisure spontanée de symétrie. C'est ça. Et ça a donné naissance au boson de Higgs. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Peut-être un peu. Je peux me consoler par le boson de Higgs est à l'origine de la masse des particules élémentaires. Mais quel rapport avec le cubisme, par exemple, en esthétique ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a parce que je me suis réveillé cubiste. Moi, c'est terrible de vivre en pensant qu'on répond au canon symétrique hellénistique et puis de se réveiller en braque. En Georges Braque, quoi, c'est-à-dire cubiste. Alors, ça a été une douleur pour moi, mais pour le reste, il faut essayer de... Vous savez, ce qui m'a sauvé, moi, c'est la lecture d'un petit livre de Alphonse Daudet qui s'appelle La Doulou. La Doulou, ça veut dire la douleur en provençal, où Alphonse Daudet dit, quand on est atteint d'un mal, une maladie, lui, c'était la syphilis, moi, ça avait été une chute, c'était moins voluptueux. Et Alphonse Daudet disait, il faut faire de sa douleur une personne, de personnifier, l'incarner et négocier avec elle en permanence. Et puis cheminer avec la doulou. Mais peut-être que votre psyché s'est adapté à qui vous êtes devenu. Et vous êtes devenu intégralement vous. Et la phase que vous avez décrite où vous vous regardez dans le miroir sans vous reconnaître, elle est passée finalement. Mais peut-être, mais je ne sais pas s'il y a eu une telle distinction entre moi-même et mon reflet. J'ai beaucoup de mal à penser que j'étais à ce point dissocié. J'étais un autre, à la fois parce que mon corps était abîmé, que j'avais du métal dans le corps, même dans l'œil. J'ai de l'or dans l'œil, j'ai des coutures partout. Mais je ne crois pas que j'ai dû faire une sorte de composition de mon corps avec mon esprit. Et dont le résultat à la table des négociations serait mon être général. Je crois que les choses sont allées finalement plus mécaniquement que ça. C'est-à-dire, je suis parti du corps en me disant, je vais me relever, je vais me réinventer une vie par la seule chose que je sais faire, c'est-à-dire m'épuiser sur les chemins. Et je suis parti traverser la France à pied, alors que j'étais encore très très boiteux, très branlant. Et ça a gelé les chemins noirs. Oui, c'est ça, j'ai fait l'action d'abord et puis la théorie ensuite. Un peu comme quand Régis Debray raconte sa théorie de la guérilla par le fauquisme. La théorie du fauquisme, c'était on part des foyers insurrectionnels et ça donnera ensuite une théorie politique. Je me suis d'abord mis en marche et puis après j'ai théorisé. Sylvain Tesson, alors on revient, si vous voulez bien, au merveilleux, parce que vous l'évoquez de différentes manières. Et la question que je me suis posée en vous lisant, c'est est-ce que ces différentes manières sont cohérentes entre elles? Par exemple, vous écrivez « Il jaillit, le merveilleux, sans s'annoncer, il sort du ciel, de l'eau, de la terre ou d'un visage. On a donc intérêt à se tenir aux aguets. Un peu plus loin, vous dites « Le merveilleux est ce qui suffit dans ce qui se donne. » Vous citez au passage Goethe « Le merveilleux est ce point où la vie se réjouit de la vie. » Vous dites que... Ah, c'est une phrase que énigmatique. Vous dites « Éphéérique ». Ce qui demeure dans ce qui n'est pas encore. Et vous auriez pu d'ailleurs citer Victor Hugo, que vous citez par ailleurs, mais pas cette phrase. Victor Hugo qui dit « La beauté n'est pas autre chose que l'infini contenu dans un contour ». Ça vous va, ça? Mais j'adore toutes ces précipitations en sciences chimiques, des concepts les plus larges dans un claquement très sec de mots. Parce que ça veut pas toujours, ça n'éclaire pas toujours notre lanterne, mais ça ouvre des perspectives de réflexion merveilleuses. Moi, je crois que les formules sont des tremplins. Alors, bien sûr qu'il y a une incohérence dans toutes ces approches, mais c'est précisément le principe du tableau qu'on essaye de peindre. Il y a des petites touches pour essayer d'arriver à une forme d'ensemble. Et moi, je procède par pointillisme. j'approche le concept du merveilleux. Et j'y vois tout de même, à la fin de mon voyage, quand j'arrive dans les îles Shetland, je vois tout de même se dessiner un principe. C'est que, d'abord, le merveilleux est une expérience esthétique, une tentative de renouer le regard et le réel, et une acceptation que la chose, la beauté du monde peut émaner, et qu'il faut se tenir aux aguets pour la saisir, sans toujours être obligé de chercher ni une référence, ni une explication surnaturelle ou religieuse même, enfin mystique. C'est-à-dire, moi je chronologise mon sentiment devant la beauté. D'abord, je la capte, et je l'aime, et je m'agenouille devant son émanation, et puis après peut-être me pencherai sur le sujet de savoir si y a un marionnettiste à l'œuvre quand on voit la marionnette. Mais d'abord, moi, je m'extasie du phénomène. Alors souvent, dans votre livre Avec les fées, Sylvain Tesson, vous associez la mer, vous naviguez, et le cosmos. Vous dites, par exemple, le ciel est la voile du navire terrestre. Vous dites, le cosmos a été inventé pour que les marins ne se perdent pas. Et j'ai appris que dans quelques jours, à partir du 5 mars, vous jouez un spectacle au Petit Théâtre de Poche qui s'appelle... Face au cosmos. Alors, comment est-ce que vous, l'écrivain, vous ressentez la beauté du cosmos et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est beau ? Et c'est-à-dire que, bien sûr, je distingue sémantiquement l'étymologie, enfin l'ordre de composition, l'ordonnancement des choses, l'harmonie du monde, et puis les espaces intersidéraux. Enfin, il se trouve que le mot est le même. C'est peut-être là la piste, d'ailleurs, puisque le mot qui signifie l'harmonie serait le même que celui qui signifie tous les espaces qu'on a au-dessus de nos têtes quand on lève les yeux. C'est peut-être là qu'il faut chercher l'explication. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la manière dont les poètes, dans la poésie, s'est emparé de ce sujet, c'est-à-dire de ce grand mystère et de ce spectacle. Comment est-ce que, avec quelques vers, avec quelques lettres, on réussit à dire l'infini, l'immense, l'inexplicable et l'indicible. Et puis, au milieu de ce sujet, qui a été à un moment requis par des milliers d'années de poésie, il y a une question qui m'intéresse le plus, mais dont je suis encore en plein tâtonnement et en pleine recherche, et je crois que je n'aurai jamais assez de ma vie pour faire le tour de cette question, c'est la question de la grande unité. C'est-à-dire, y a-t-il un flux continu, y a-t-il une équation primordiale qui explique à la fois la constitution de la matière, la croissance des plantes, la mécanique des animaux, notre propre existence sur la Terre et le mouvement des sphères célestes. Je suis parti, moi, d'une question de Victor Hugo que j'aime beaucoup et qui m'a ouvert une espèce d'immense champ d'interrogation. C'est dans Les Misérables. Qui peut prétendre que le parfum des aubépines est indifférent aux constellations ? Alors ça ressemble à tout ce que dit Victor Hugo, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le génie et puis le côté un peu vaseux des grandes généralités magnifiquement développées. Mais j'aime bien cette idée-là, que peut-être y a-t-il une sorte de flux continu qui traverse les choses et qui serait à la fois à l'œuvre dans la strate calcaire d'une falaise et le mouvement des météores. Alors je sais, c'est une petite parenthèse, mais je sais que vous aimez les anagrammes et vous venez de citer Les Misérables. Vous aimez les anagrammes puisque vous avez écrit un livre avec Jacques Périssalkov qui contient une centaine, je crois, d'anagrammes. Vous connaissez l'anagramme des Misérables ? Les Misérables. Les âmes libres. Voilà. Et ça vous va bien, ça, non ? Oh, c'est merveilleux, c'est magnifique. Il en avait trouvé un avec vous, l'origine de l'univers. Un vide noir grésille. Quel vers, quel anagramme. On entend ce qui se passe. L'origine du monde, ça fait la religion du démon. Ça, c'est gnostique. La Terre serait l'enfer d'une autre planète. Mais quand on est sur un bateau, je reviens à votre périple, on voit le ciel, la Voie lactée, beaucoup mieux puisqu'il n'y a pas de pollution lumineuse. On la voit aussi bien que quand on est en haute montagne. Et vous dites, naviguer consiste à passer de la lecture d'un livre à la contemplation du ciel en réglant ses voiles entre les deux. Oui, alors ça c'est à condition que les conditions soient plutôt atmosphériquement calmes, mais ça a été le cas parce que notre capitaine Benoît Leterron, lui, prenait toujours bien soin de faire les sauts de puce d'un promontoire à l'autre dans des bonnes conditions. On n'a jamais eu pendant ces 3 mois de tourment, enfin pas trop. Et oui, bien sûr, c'est le voyage en mer est avant tout un voyage dans le temps, beaucoup plus que dans l'espace. La mer est une abstraction pour le voyageur. On sait jamais exactement... Enfin, l'œil ne peut pas distinguer exactement où il se trouve, enfin, par définition. Et donc, on fait aussi une traversée du temps, avec cette oscillation entre la lecture. Les heures de lecture sont extrêmement extraordinaires sur un bateau. Et puis, la contemplation de la nuit. Est-ce que vous faites une différence, Sylvain Tesson, entre le monde et le cosmos ? Ben si on revient à la cette mystérieuse et très profonde phrase d'Hegel, c'est-à-dire suis-je ce que est-ce que j'appartiens à ce que je contemple ou est-ce que j'en suis séparé? Mais bien sûr que moi le grand mystère après lequel je courais pendant ce voyage-là, ce voyage à la poursuite des faits, c'est-à-dire de ce que j'appelle l'émanation du merveilleux, c'est cette question-là. Y a-t-il une force qui est extérieure à l'objet de sa création, ou bien est-ce qu'il faut que je voie dans la manifestation du vivant l'expression du divin ou du merveilleux? Alors j'ai essayé de tourner autour de cette question et d'y apporter, comme j'ai pu, la réponse que je donne dans ce livre. Mais le monde, on pourrait dire que c'est le monde, c'est le contexte dans lequel on vit, c'est-à-dire on est sur Terre, on est dans une atmosphère, on n'est pas dans le vide, on a des vitesses de déplacement qui sont négligeables devant celles de la lumière, on voit le ciel sans pouvoir y aller, etc. Et ça nous trompe sur l'univers qui, lui, est régi par d'autres lois que le monde particulier dans lequel nous sommes nous masque, en fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a le monde et l'univers, ou est-ce que le monde fait partie de l'univers? Non, mais c'est-à-dire que vous pensez que nous vivrions dans l'illusion et que le dans une sorte de caverne qui nous masque l'univers. Par exemple, on croit que le temps est absolu parce que, quel que soit nos mouvements dans l'espace, nos montres restent synchronisées. Oui, mais on pourrait vous répondre que le phénomène, enfin cette illusion, enfin cette poudre aux yeux, ou ce voile qui nous est envoyé par la nature, est tout de même suffisamment beau pour qu'on se contente d'abord d'en vénérer les aspects et les reflets avant d'essayer de déchirer la chaussette. Oui, mais je pose la question parce que vous n'aimez pas tout ce qui se passe dans le monde. Vous dites d'ailleurs, la fée symbolise la lutte contre ce qui s'annonce. 2 points, le profil marchand, l'emprise technique, l'urbanisation grouillante, la folie de la foule. Et même si elle a perdu le combat au siècle 21, la fée incarne encore le refus d'un monde immonde, gouverné par la stupidité des machines et la méchanceté des masses. Ah oui, donc tout n'est pas beau. Ah ben non, la construction humaine, qui est tout de même une aventure assez récente, assez rapide, mais donc par définition nous vivons les effets puisque nous sommes dedans et nous sommes ces acteurs. Mais cette construction-là, bien entendu, par beaucoup d'aspects, me terrifie. Et j'ai d'ailleurs trouvé le voyage et le mouvement comme une espèce de voie d'échappée. Oui, c'est le nom que je donne parfois à la fée. La fée, c'est ce qui avance quand le robot recule. Et j'appelle robot... c'est une sorte de symbolisation de tout ce que vit notre époque soumise à la double loi de la puce et du profit. Enfin, appelons ça la post-modernité technologique, si on veut donner des définitions rapides à ces grands mouvements historiques. Nous sommes dans cette espèce de nouvel ordre à la fois cybernétique, technologique et matériel et comptable. Nous sommes rentrés dans une forme de monde d'univers et de règne de la statistique, du chiffre, de la numérisation de toutes choses. Les choses sont mises en chiffres avant d'être mises en mots, elles sont mises en statistiques avant d'être pensées. Et tout ça, moi, ne me plaît pas. Enfin, je comprends très bien qu'on voue sa vie aux data et à l'accumulation de chiffres afin d'essayer de faire des équations pour régir les sociétés humaines, mais c'est pas du tout, moi, cette... Oh, c'est pas pour faire des équations, c'est pour trouver des corrélations. Oui, et pour créer des systèmes aussi qui viseraient à pouvoir programmer les relations entre les hommes. Et moi, je trouve que j'éprouve beaucoup plus de bonheur à vivre encore organiquement les choses, c'est-à-dire le contact du monde sur ma peau, son parfum dans mon nez, ces bruits à mon oreille et ces extraordinaires convulsions ou ces beautés ou ces stabilités devant mes yeux. Alors, j'aime mieux m'éblouir que calculer. Alors, c'est pour ça que je pars. Sylvain Tesson, est-ce que vous en déduisez ou est-ce qu'on peut dire de vous que vous aimez la nature? Et si oui, est-ce que cela consiste seulement à aimer les paysages naturels? Non, ou est-ce que ça va au-delà? Bien sûr que ça va au-delà. D'abord, la nature, c'est aussi ce qu'on ne voit pas, puisque la nature, c'est une force à l'œuvre. Non pas un programme, mais c'est une immense énergie cachée qui se manifeste partout, dans le moindre animalcule et jusque au mouvement des nuages. Bien entendu que ça, on ne peut pas réduire ça à une préoccupation de peintre ou de géomorphologue, mais il se trouve que il y a ça aussi. Il y a l'esthétique, nourrie d'ailleurs de références architecturales, picturales, littéraires et poétiques, qui augmentent le plaisir que l'on a à recevoir la beauté d'un paysage. Moi, je crois profondément à la fécondation de ce qu'on a devant les yeux par la littérature, par ce dont on se souvient, mais pas uniquement. De temps en temps, il faut oublier la bibliothèque intérieure pour recevoir le merveilleux, mais c'est un exercice difficile, pour recevoir le merveilleux sans toujours aller puiser une référence. Et puis ensuite, pour répondre à votre question, bien entendu, je crois que la physis, la nature au sens antique du terme, est avant tout une force, quoi, en puissance, en gestation, avec son mystère et avec son énergie circulatoire et permanente. Et ça aussi, j'essaie de la capter. Donc il y a une énergie dans l'univers, il y a une expansion de l'univers, il y a un flux qui nous entraîne. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont ça va finir? Oui, vers où nous allons? Mal, je pense. Non. Je vois que votre pessimisme ne va pas en s'arrangeant. Oui, mon pessimisme n'ira jamais en s'arrangeant, c'est le pessimisme du pessimisme. Mais non, très, très mal. Qu'en dit la science? La science Il y a une extinction. Dit qu'il y a une accélération de l'expansion, qui est mue par une entité mystérieuse qui s'appelle l'énergie noire. Y a-t-il un mur au bout de tout ça? Je ne crois pas qu'il y ait de mur, par contre... Il y a plusieurs scénarios qui sont envisageables. Il y a des mesures qui sont, alors ça va pas vous plaire, mais on essaie de prendre des données grâce à un satellite qui s'appelle Euclide, qui va essayer de nous montrer si cette accélération est constante ou si elle a une histoire, une historicité. Donc, je vous invite à revenir dans quelques temps pour en parler. On en reparle dans quelques millions d'années, mais ce que vous me dites là me fait tout de même. Milliards d'années, milliards. Milliards. Oui. Milliards. Oui, mais pas d'urgence. Oui, ça laisse le temps de réfléchir. Ce que j'entends dans ce que vous dites, de tout ramener à cette histoire du merveilleux, mais c'est tout de même un adjectif qui est suffisamment insaisissable et saisissant pour qu'on s'y penche une seconde. C'est que de deux choses l'une, soit on se précipite dans les grands atermoiements, les grands questionnements, il faut pour cela avoir quand même une capacité d'ailleurs intellectuelle et psychique à proportion de la vastitude de ces sujets, ou alors, on se dit il y a d'abord quelque chose qui est là présent sous nos yeux, une chose qui s'appelle le monde dans son reflet, dans son phénomène, dans son émanation, eh bien tâchons d'abord d'en capter la vibration, de la saluer et de la vénérer. Que cela soit comme cela veut, comme dit Goethe dans le second Faust. Mais Sylvain Tesson, ça suppose d'aller y voir quand même. Or, nous sommes devenus, vous êtes d'accord avec ça, des téléspectateurs. Et qu'est-ce que le fait d'être téléspectateur, de regarder de loin sur un écran qui rapproche des choses artificiellement, qu'est-ce que cela change au statut des paysages? Est-ce qu'ils perdent leur aura, ou pour sentir cette aura, est-ce qu'il faut aller les voir directement? Oui, ils perdent sûrement pas leur aura, c'est peut-être nous qui perdons la capacité de les saluer. C'est une folie de mettre un écran entre soi et le monde. Moi, je crois qu'on peut le faire plus ou moins, d'ailleurs, parce que vous dites, nous sommes devenus des téléspectateurs, mais je ne crois pas qu'il faille parler de manière générale. Enfin, je crois que il y a encore certains êtres qui réussissent à s'affranchir de la grande œillère massive. Car cette, la grande entreprise de cyberconnexion de l'humanité n'est pas autre chose que cela, c'est-à-dire la tentative de la volonté de mettre une œillère entre soi et le monde. Alors, moi, je crois que le problème est finalement pas si compliqué. Nous ne sommes pas condamnés à ne pas regarder le monde. Mais quand vous êtes en ville, par exemple, donc, vous êtes en ville, vous n'êtes pas en montagne ou sur un bateau, à quoi est-ce que, lorsque vous marchez, vous accordez votre attention? Est-ce que votre regard est électif ou est-ce qu'il est sélectif? Alors, comme j'ai eu la chance d'étudier la géographie et la géographie physique, j'ai appris l'importance de l'échelle. C'est bien que j'essaie de passer... J'adore l'exercice consistant à régler sa mire, son organe de visée, et à passer du panoramique au minuscule, c'est-à-dire de l'insecte au paysage. Comme un enfant. Peut-être. Du minéral, du grain de feldspath dans le granit, jusqu'au dessin des montagnes générales. Il y a d'ailleurs des écrivains qui sont des écrivains du panorama, puis des écrivains de la minutie. J'aime ceux qui décrivent les insectes, comme j'aime ceux qui décrivent les nébuleuses. Puis il y en a qui font la navette entre les deux. Il y a Victor Hugo, qui de temps en temps voit un bigorneau et parle de Dieu, ou regarde une anémone et a des considérations sur l'univers. J'adore, moi, l'oscillation entre les deux échelles. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans une page de votre livre, sans le savoir peut-être, ou peut-être en le sachant, je ne sais pas, vous avez inventé ou redécouvert la notion de fractal. L'idée que certaines choses sont invariantes par changement d'échelle. Quand on regarde à toute petite échelle, on voit les mêmes choses que quand on regarde à grande échelle. Je vous cite, la pierre dessinait la carte. Vous aurez remarqué qu'une pierre avait la même forme que la côte que vous étiez en train de longer. Donc la pierre dessinait la carte, la Bretagne était dans ses propres rocs, l'ensemble prenait la forme du détail, l'esprit des lieux avait façonné d'intentations similaires le général et le particulier. Les courants, les vents, les flux brossant l'un et l'autre dans le même sens, il était normal que chacun épousât un contour identique. Oui, c'est une idée qu'on trouve en rhétorique, en fait, qui est l'idée de la synecdoque, je crois, ou de la métonymie, c'est-à-dire l'idée que la partie est dans le tout. C'est quand on dit la goutte pour parler de l'océan, ou quand on dit le fer pour parler de l'épée. Ou la voile pour le bateau. Ou la voile pour le bateau. La partie est dans le tout, et le corps d'un élément peut signifier le corps, le dessin général. J'adore cette idée-là, et j'avais lu une confession d'un peintre baroque italien qui expliquait qu'il avait dessiné dans le fond de sa toile les Alpes en regardant la crénelure d'un petit caillou qu'il avait ramassé dans son atelier. Et donc que le monde dans son paysage immense contenait exactement le même dessin que dans la minutie de ses éléments. Et moi, j'ai remarqué ça en Bretagne. Alors, j'enfonce peut-être une porte ouverte. Je ne savais pas que c'était la définition de la... Comment dites-vous? Des fractales, c'est-à-dire de l'équation, de la répétition d'échelle. Oui, la loi ne change pas quand on change d'échelle. C'est ça, c'est pour ça que quand on regarde d'un satellite le dessin orographique d'un fleuve, on s'aperçoit ensuite que cette ramification en vermicelle, ces anastomoses d'affluents et de confluents se répètent à l'échelle de la rivière, de l'affluent, du ruisseau, du pipi d'eau et de la moindre minuscule rigole. Alors moi, j'ai remarqué ça en Bretagne, bien sûr. Oui, la Bretagne est une dimension fractale, comme on dit, qui est un peu plus élevée que la moyenne. C'est incroyable, vous prenez... Des infractuosités... Vous regardez les trois points, de la pointe Saint-Mathieu, la presqu'île de Crozon, la pointe du Raz, et puis alors vous passez dans une crique, je sais pas moi, à l'Osmar, vous remarquez qu'il y a cette même indentation, cette même crénelure, puis vous prenez la crique qui elle-même répond à cette loi de la dentelle, et puis vous ramassez un caillou, et il est dessiné de la même manière. C'est une métonymie qui est tout à fait saisissante, mais moi je l'ai expliqué en géomorphologue, c'est-à-dire je voyais le flux constant des vents d'ouest et du courant et des vagues qui, arrivant toujours par l'ouest, dessinent la même indentation, que ce soit à l'échelle de la région, à l'échelle du promontoire, à l'échelle de la crique, à l'échelle du rocher, et peut-être même à la fin à l'échelle de l'animal. C'est-à-dire que le crabe lui-même, avec sa dentelure sur la carapace, finit par lui aussi ressembler à un rocher, et donc à la Bretagne, et donc finalement à toute cette côte celtique. C'est l'idée que la partie est dans le tout, et c'est peut-être ça l'idée du génie du lieu. Alors, vous parlez des dauphins, parce que vous en avez vu, les dauphins, eux, ils sont assez lisses, hein, ils ont une dimension fractale qui est vraiment très faible. Et vous citez votre camarade d'expédition, Human, c'est ça, hein, Human, qui écrit à propos des dauphins, « Il nage comme il respire, il nage comme il respire ». Et vous saisissez cette occasion pour établir une distinction fondamentale entre le whisky et la vodka. Voilà, votre camarade s'envoyait, vous dites-vous, un whisky brun au bon fumet de joie en cendre. Cela le changeait de la vodka, elle a le goût de la mort, alors que le whisky a le goût du cercueil. Oui, c'est ce que je remarquais du temps où je m'intéressais beaucoup à la question, parce que maintenant je ne bois plus, donc ce sont tout ça, ce sont des réminiscences, des souvenirs. Des souvenirs, mais c'est le côté boisé du cercueil, c'est mauvais signe quand ça sent le sapin ou quand ça sent le bois. Mais alors que la vodka, oui, vous accélère beaucoup le processus de dégradation. Je dis pas que le whisky le fait moins, mais les références sont pas tout à fait les mêmes. Oui, alors pour finir, ça sera ma dernière question, Sylvain Tesson, en réponse à la question posée. Est-ce que le sublime, le beau, le merveilleux, le féerique, procède d'une exclamation du réel qui vient nous percuter, ou est-ce que c'est une émanation de notre esprit ? Mais je crois que c'est là la question majeure qu'on peut se poser devant un paysage, qu'on soit en voilier ou à pied le long des promontoire celto-atlantique, enfin c'est la question moi que je me suis posée. Je pense que j'ai cru penser et j'ai tenté de m'en persuader que la beauté procédait d'une captation, et que c'était un exercice qui requérait un effort et qu'il fallait se tenir à la fois en haleine et aux aguets pour essayer de le percevoir. Non pas qu'il n'exista pas, le monde n'a pas besoin de nous pour diffuser sa beauté. Et je crois même qu'il est probable que les bêtes aient le sens du beau. Mais il se trouve que on ne peut pas se permettre de passer de manière indifférente devant les immenses architectures du monde. Et qu'il faut les révérer, il faut leur faire la révérence. Moi, j'ai été beaucoup inspiré par la phrase que Rainer Maria Rilke dit en forme de conseil au jeune poète auquel il adresse ses lettres. Si votre vie vous paraît pauvre, ou si le monde vous paraît pauvre, ne l'accusez pas, mais accusez-vous plutôt vous-même et dites que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer la richesse. Et un écrivain un peu oublié, un peu méconnu en France, qui s'appelle John Burroughs, qui était une sorte de transcendantaliste, naturaliste américain, disait la même chose que Goethe, le ton sur lequel nous parlons au monde est celui qu'il emploie avec vous. C'est-à-dire, regardez et vous serez récompensé. Ça sera le mot de la fin, Sylvain Tesson. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique d'Alexandra Delbo qui s'intitule « Avec science ». Comment comment se forment les systèmes planétaires, tous ces corps qui orbitent autour des étoiles. On a en tête bien sûr le nôtre, notre système solaire, une étoile accompagnée de quatre planètes telluriques et quatre géantes gazeuses avec d'autres corps célestes, le tout enveloppé dans une ceinture d'astéroïdes glacés. Mais les configurations sont en réalité sans limite. Des planètes extrasolaires, donc qui gravitent autour d'une autre étoile que le Soleil, il y en a des milliers. Elles peuvent être petites avec des grosses étoiles ou grosses avec des petits astres. Bref, tout est possible. Et donc, ce que l'on cherche à comprendre, c'est comment se forment les planètes. Quels sont les paramètres qui vont dicter si une planète peut se former ou non autour d'une étoile. Et pour cela, il faut les regarder quand elles sont très jeunes. Olivier Bernet est astrophysicien, chercheur CNRS à l'IRAP de Toulouse, et il est le premier auteur de cette étude parue hier soir dans Science. Les systèmes planétaires, ils se forment à partir de nuages, de gaz et de poussière, qui sont en fait les restes d'étoiles qui sont éteintes. Et donc à partir de ce gaz et de cette poussière qui vient de générations précédentes d'étoiles, tout ça s'effondre, forme une nouvelle étoile et autour de cette étoile se forme un disque. Et c'est ce qu'on appelle un disque protoplanétaire puisque c'est à l'intérieur de ce disque, autour d'une jeune étoile, que l'on va former des planètes. Et il y a quelque chose qui peut-être... On n'avait pas suffisamment considéré jusqu'à présent, qui est que les systèmes planétaires, comme le système solaire, ne se forment pas de manière isolée, mais toujours en groupe. Il va toujours y avoir d'autres étoiles qui vont se former simultanément, et en particulier des étoiles beaucoup plus massives que le Soleil. Et ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où un système planétaire se forme, très probablement, non loin de là, il y aura une ou plusieurs étoiles très brillantes qui va illuminer tout cet environnement. Toutes les étoiles émettent un rayonnement, c'est-à-dire un ensemble d'ondes électromagnétiques. On pense à la lumière visible, bien sûr, mais il y a aussi des ondes radio, des rayons gamma et des ultraviolets, des ondes plus ou moins énergétiques. Et plus l'étoile est massive, et plus elles le sont. Mais quel est donc l'effet de cette illumination sur les embryons de planètes? Pour répondre à cette question, le laboratoire idéal est situé à environ 1500 années-lumière dans la nébuleuse d'Orion, soit la plus proche pouponnière d'étoiles que l'on connaisse. Le James Webb, encore lui, a posé son regard sur le disque protoplanétaire D203-506, une petite étoile au centre d'un nuage de gaz et de poussière. Et sa particularité, c'est d'avoir dans son environnement proche une étoile très massive et donc très brillante. Résultat, les rayonnements ultraviolets de cette grosse étoile vaporisent la matière et entravent la formation des planètes. Ce qu'on a observé, c'est un mécanisme qu'on appelle la photoévaporation. Donc vous avez des étoiles très brillantes dans l'environnement qui vont illuminer ce système planétaire en formation. Et cette illumination génère un chauffage, donc la matière chauffe. Et ce chauffage-là, eh bien, il génère un vent, c'est-à-dire que la matière s'échappe de ce système planétaire en formation. Et donc, cette matière-là, elle n'est plus disponible pour former des planètes. Et c'est quelque part un frein à la formation des systèmes planétaires que cette photoévaporation. On connaissait déjà ce mécanisme, on savait que probablement c'était quelque chose qui jouait en défaveur de la formation des systèmes planétaires. Par contre, ce qu'on avait eu beaucoup de mal à faire jusqu'à présent, et c'est là que les observations infrarouges avec le télescope James Webb nous ont aidés, c'est la mesure précise de quelle quantité exactement de matière s'échappe. Et donc on a pu mesurer qu'il y a l'équivalent de une fois à peu près la masse de la Terre qui s'échappe de ce système planétaire en formation chaque année. Avoir une voisine massive est donc l'un des ingrédients à prendre en compte pour mieux comprendre la formation des systèmes exoplanétaires et peut-être même mieux saisir l'origine du nôtre. Parce qu'on pense qu'il y avait des étoiles massives proches du Soleil au moment où il est né. On en voit les traces dans les météorites. Mais il ne s'agit pour l'instant que d'un seul et unique objet. On ne peut pas tirer de conclusion générale. Il faudra en voir d'autres et on sait que des disques protoplanétaires intéressants, il y en a plein dans la nébuleuse d'Orion. La suite immédiate de ces travaux, c'est une nouvelle demande de temps d'observation du James Webb, et si elle est acceptée, ce chercheur l'apprendra d'ailleurs normalement aujourd'hui, cela permettra d'avoir un tableau plus complet et d'affiner la recette de conception des systèmes planétaires. Merci Alexandra, merci à vous Sylvain Tesson, je recommande la lecture de votre livre avec fait. Je vais vous dire, ça vous aidera peut-être à bouger moins, sachez que même quand vous êtes immobile dans l'espace, vous allez à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps, quel que soit votre mouvement dans l'espace. Peut-être ça vous changera le... Vous êtes allumé. C'était la conversation scientifique. par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Guillaume Ficheux et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.